On s'habitue vite au ciel bleu. Toi et moi, nous vivions heureux. Il nous semblait bien loin. Oh, le temps du chagrin. Le ciel a changé de couleur et dans mon cœur l'automne pleure, car voilà que revient le temps du chagrin. On s'habitue vite au ciel bleu. On s'habitue à être deux. Le temps du chagrin.